trop longtemps que je me dégoûte. Fallait bien que t'en payes le prix. Et ce soir je viens boucler la boucle. J'en vois tous faire foutre et qui même me fuit. Je veux plus jamais t'entraîner avec moi quand je plonge. T'aurais mérité de meilleurs mensonges. Et si je devais jouer carte sur table, j'arriverais même pas à faire le tri. Seuls les mecs bienveillants le savent. Les belles paroles n'engagent pas seulement celles qui les reçoivent. Stop l'hémorragie, t'es pas boulette proof. J'vois bien que tu t'essouffles. J'arrête mon esbrouf. Je veux plus jamais faire ce que la morale réprouve. C'est tout ce qui m'attire vers toi qui me repousse. Toi t'es droite, loyale, vraie, fiable. Moi je suis le pire de tous. Un vrai diable. Le mal est fait. Le mal est fait. Le mal est fait. Ton mec est faible, ton mec est laid. Le mal est fait. Le mal est fait. Le mal est fait. Le mal est fait, ton mec est faible, ton mec est laid, le mal est fait. J'baisse des meufs sans visage, à la recherche d'un sursaut de vie. J'transforme nos projets en mirage, notre avenir ensemble c'est qu'une utopie. J'mets la dernière touche à mon chef-d'œuvre. Est-ce qu'en partant j'suis preuve de sagesse? Une dernière fois j'nous jette dans l'épreuve, mais tous mes doubles jeux il est temps que ça cesse. Seulement comme ça qu'un jour j'pourrais me racheter une éthique et te laisser une chance de poursuivre ta vie comme tu le mérites. Faire une croix sur moi faut même pas que tu hésites. On s'aime mais on s'évite, j'suis un salaud d'élite. Avoir un mec honnête c'est vrai, tu mérites mieux. Trouver l'équilibre pour moi c'est périlleux, même si me sortir ta vie. Ça effraie, faut jamais que tu me reprennes à l'essai, c'est dead. Le mal est fait. Le mal est fait. Le mal est fait. Ton mec est faible, ton mec est laid. Le mal est fait. Le mal est fait. Le mal est fait. Le mal est fait. Ton mec est faible, ton mec est laid. Le mal est fait. Pardon chérie, je sais que ça te fait peur, mais je sais pas qui je suis. J'ai plus après quel rêve je cours, ni quel cauchemar je fuis. J'aimerais tout faire pour te rassurer, mais je sais pas qui je suis. J'ai plus la diff entre ce qui est bien ou mal, faut que je fasse le tri. Mensonge, sexe, drogue, triche, je sais pas quel genre de mal me ronge. Trop longtemps que je joue l'autiste, elle sera complice si elle passe l'éponge. L'amour n'est pas terre promise, un seul dérapé, tout le monde plonge. L'amour n'est pas terre promise, un seul dérapé, tout le monde plonge. Le mal est fait, le mal est fait, le mal est fait, ton mec est faible, ton mec est laid, le mal est fait, le mal est fait, le mal est fait, le mal est fait, ton mec est faible, ton mec est laid, le mal est fait.